Donc, on voulait vous parler cette année de la plateforme Hypothèse. C'est-à-dire, du coup, ben non, c'est pas, ça ne va pas être de la recherche biblio, des ressources documentaires, et, qui est un peu notre, voilà, notre objet dans ces laboratoires de recherche. Mais parler d'Hypothèse, parce qu'il a une place très importante dans cette école d'architecture et très importante dans la recherche en SHS aujourd'hui. Donc, on s'était posé cette question, ben, comment les carnets Hypothèse ben, sont devenus un maillon fort de la recherche en SHS. Et pour aborder cette question, on vous propose de traiter les points suivants, c'est-à-dire de parler justement de cette plateforme Hypothèse, de ses origines, de son fonctionnement actuel, de sa communauté, de voir comment un doctorant peut utiliser ces carnets et cette écriture sous forme de billets au cours de sa thèse. Quelle est la présence de l'architecture, de la discipline architecture dans ces carnets, et quelles sont les pratiques d'écriture conseillées pour progresser ensemble sur cette écriture originale des billets. Donc pour vous présenter ce sujet, on s'est appuyé sur des formations utilisateurs, c'est-à-dire qu'en 2015, moi j'ai suivi une formation à Aix en Provence, une formation gratuite, et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié tout le contenu de la journée. Et puis en 2016, il y a eu une formation avancée, pour utilisateurs avancés, et une collègue, Véronique Ginoise, a partagé ses notes, et du coup on s'est appuyé aussi dessus pour construire cette présentation. Alors justement, qu'est-ce que c'est cet écosystème Open Edition ? Puisqu'Hypothèse n'est pas tout seul, cette plateforme de carnet, elle est inscrite dans tout un écosystème, et c'est comme ça qu'Open Edition parle de lui-même, il parle de l'écosystème qu'il a créé, de contenu numérique. Elle a été créée donc par le CLEO, qui est une unité mixte de recherche CNRS, EHESS, Université d'Avignon, Aix-Marseille. Et il y a un carnet, le carnet du Léo, qui parle justement de l'actualité de ce Cléo, cet organisme fondateur. Et cette plateforme de contenu numérique, qui est alimentée par la communauté, elle a quatre briques. Donc la plus ancienne des briques, c'est revue.org, que vous connaissez évidemment, qui a été créée en 1999 par des doctorants en histoire, qui avaient besoin de créer une revue, et qui ont pensé à un modèle, qui est devenu un logiciel, l'ODEL. Aujourd'hui, il y a 437 revues en ligne et 50% sont en open access. Il y en a 16 en études urbaines et 7 en architecture. Donc là, vous avez les 7 revues qui sont classées dans la rubrique architecture et vous en avez 16. Bon, là, c'est peut-être un peu petit. Oui, c'est petit. Donc, il y a des recoupements entre l'archi et les études urbaines. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans les revues études urbaines, il peut y avoir par exemple la revue Géo Carrefour qui s'est convertie au numérique, ou une revue très ancienne qui s'appelle Cybergéo qui, elle, était nativement numérique. Le deuxième contenu numérique d'Open Edition, c'est Calenda. Donc c'est le plus connu, il est né en 2000. C'est un calendrier d'annonces scientifiques. Il y a 33 000 annonces archivées en SHS. Ils sont pendant littérature, c'est Fabula. Et il faut savoir que certaines communications orales non publiées, ce qui c'est quand même souvent aussi le cas de la communication en SHS, eh bien c'est seulement la publication de son programme dans Calenda qui sert de preuve juridique et qu'à un moment donné, vous avez bien effectué cette conférence quelque part dans cette journée d'études qui n'a pas d'acte. Donc, sur les 33 000 annonces archivées en SHS, il y en a 2 000 en études urbaines. La dernière plateforme créée en 2013, la toute dernière, c'est Open Edition Book. Donc ce sont des ouvrages en open access, c'est-à-dire ce sont des maisons d'édition qui proposent des collections. Il y a 3200 ouvrages aujourd'hui et il y en a 115 en études urbaines. Et 90% sont accessibles en freemium, c'est-à-dire qu'il faut s'abonner au portail... Il y a des gouttes, non ? S'abonner au portail open édition pour accéder à la totalité de ces ouvrages numériques. Et le Cléo est aujourd'hui porteur de 2 projets européens auteurs des livres en SHS, en libre accès, ce qui d'ailleurs me faisait penser que peut-être l'année prochaine, nous parlerons des livres en open access, parce que c'est sûrement ça, d'un soi, qu'il faut s'engouffrer aujourd'hui pour décrypter toutes les plateformes qui existent. Et donc, Hypothèse. Hypothèse est née en 2008. Cette plateforme de blogs scientifiques, il y a aujourd'hui 3000 carnets et la moitié au catalogue. Donc ça, c'était important, on reviendra sur cette idée de catalogue. Il y a 4 sous-portails, anglais, espagnol, allemand et français. le CMS qui est derrière ces carnets, c'est WordPress, et c'est, WordPress, c'est 25% des CMS de la planète. Cette plateforme, elle est multilingue au-delà des langues citées. Par exemple, les carnets de l'IFPO peuvent publier des articles en arabe ou en russe. Et il y a 42 carnets en architecture et 12 en études urbaines. Le CMS, c'est Content Management System, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'outil, le logiciel qui est derrière le carnet, c'est WordPress, qu'on peut utiliser librement. Il y a une plateforme WordPress, de logiciel en lui-même. On peut l'installer sur son ordinateur et il est aussi utilisé derrière cette plateforme. Oui, n'hésitez pas. Alors, justement, pourquoi créer comme ça en 2008 cette plateforme ? Eh bien, d'abord, les intentions du CLEO, c'était de favoriser la communication scientifique directe sans l'intermédiaire de journalistes scientifiques. Ça répondait à un besoin, mais ils ont quand même impulsé une très puissante dynamique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire connaître la vie et les résultats de la recherche pour un public ouvert, avec un format plus léger que le livre ou l'article scientifique. Est-ce que le blogging était développé en 2008 ? Oui, dans l'univers, on va dire, de la vie pratique, des cuisines, de la cuisine, du jardinage, etc. Il était peu développé en SHS. Il y avait quelques initiatives éparses. Et en les observant, les responsables du CLEO ont dit on va structurer cette dynamique, on voudrait essayer de la regrouper et d'inventer une forme d'écriture académique, quoi, alliant souplesse d'écriture, de ton et d'illustration. Cette écriture, justement, elle est à l'interface de plusieurs types de publications, à mi-chemin entre la conversation autour de la machine à café et puis la conférence. Et ça peut aussi donner lieu à des analyses plus poussées. Donc le biais, il peut être cette retranscription d'un oral, mais aussi un mélange, quelque chose de plus riche, avec des échanges, un vrai argumentaire. Donc le biais, il est hybride, ce qui permet de pas se sentir... inquiet quand on va se mettre à l'écriture, puisqu'on peut inventer cette écriture-là. Alors pourquoi ils parlent de carnet plutôt que de blog ? C'est justement pour se différencier des plateformes de blog de vie pratique, mais aussi engager tout un travail de légitimité et de crédibilité de ce type d'écriture pour inscrire le billet dans la recherche en SHS. Le carnet est évidemment aussi un hommage au carnet de terrain des chercheurs, même s'il y a d'autres usages qui ont largement débordé le carnet du chercheur qui était au départ souhaité. Alors, la plateforme aujourd'hui, elle est ouverte à la communauté académique dans son ensemble, puisque des personnels d'appui à la recherche, comme nous sommes, peuvent ouvrir des carnets, des chercheurs, des doctorants, dans toutes les langues. Et on peut être à l'interface de plusieurs disciplines mélangées. Donc, pour s'inscrire, quels sont les prérequis ? Il faut avoir un projet scientifique et avoir un rattachement académique. Donc, c'est sûr que si vous êtes archiviste dans une structure privée, ça ne va pas être possible d'ouvrir un carnet. Mais bon, chaque jour, Open Edition reçoit 5 candidatures de carnet, et il n'y en a qu'une par mois qui est refusée. Il y a un comité qui, à un moment donné, sélectionne et qui arbitre, donc il y a assez peu de refus. Donc, une fois en production, comment est valorisé le contenu des carnets ? Donc, par deux biais. Tout d'abord, il y a un portail multilingue des billets où des billets sont mis en avant. Alors, comment ils sont mis en avant ? Cette cuisine un peu opaque de la sélection des billets mis en avant sur leur portail. Donc, il faut savoir qu'il y a une équipe de 3 personnes, donc un francophone qui s'appelle Paco, peut-être que vous le voyez parfois si vous êtes déjà carnetier, et puis 2 partenaires de la communauté germanophone et hispanophone. Et il y a 200 billets qui sont regardés par jour, par exemple, par Paco, là, par le partenaire francophone, et qui choisit de mettre en avant un billet s'il est particulièrement sourcé, s'il est particulièrement illustré. Et certains billets sont même mis en bandeau manuellement, mais ça, c'est hyper long, et donc, du coup, il n'y en a qu'un par semaine, d'où le fait, cette impression parfois, d'un certain statisme de la page d'accueil du portail. Et ensuite, l'autre façon de valoriser l'écriture, c'est... quand votre carnet est mis au catalogue. Donc pourquoi c'est important ? Donc, vous imaginez, il y a 3000 carnets, il y en a 1600 qui sont au catalogue, et ce catalogue, il permet justement, qui présente une façon de tri par thème, par langue, par type de carnet, il permet de les repérer, ces carnets, d'en prendre connaissance. Donc il repère le catalogue des carnets structurés qui ont vraiment un contenu et une écriture. Alors comment ça se passe, ce processus de mise en visibilité ? Donc d'abord, vous candidatez. Donc vous avez une visibilité faible, une URL peu connue. Puis petit à petit, vous alimentez votre carnet. Et là, à ce moment-là, on va dire au début de la mise en place de d'hypothèse, il y avait une mise au catalogue faite par l'équipe d'hypothèse. Aujourd'hui, il faut les contacter parce qu'ils sont débordés par ça, donc il faut les contacter pour que son carnet soit mis au catalogue. À partir du moment où il est mis au catalogue, la BNF scanne tous les carnets mis au catalogue et leur attribue un ISSN, ce qui leur confère du coup le statut de publication périodique. Donc on voit bien que l'enjeu d'hypothèse, du coup, c'est de faire que ce billet de blog puisse être reconnu comme une publication scientifique à part entière, même s'il n'y a pas de peer reviewing, comme dans les revues, etc. Mais enfin, on connaît aussi les limites du peer reviewing pour les revues. Donc c'est vraiment cette idée-là de valoriser cette publication. Donc certains carnets, d'ailleurs, ont un comité scientifique qui sélectionne et qui reçoit des propositions. Mais bon, ça, c'est des carnets avec des fonctionnements particuliers. Et du coup, vous êtes fortement invité à citer les publications que vous faites dans les carnets dans vos propres bilans d'activité en tant que doctorant ou en tant que chercheur. Mais la mise au catalogue ne suffit pas pour la visibilité, et vous l'avez d'ailleurs parfaitement compris dans l'affaire à suivre, il faut relayer ça évidemment par les réseaux sociaux, et c'est complètement conseillé par les gens d'Open Edition qui disent qu'il faut répandre et faire venir, puisque c'est par les réseaux sociaux que les gens accèdent aux billets aujourd'hui, c'est le plus fort trafic. Bien. Genre, la mise au catalogue n'est pas automatique, ça veut dire que par exemple, le blog Affaires à suivre n'est pas forcément dans le catalogue d'hypothèses. Alors, il l'est, oui. Parce que je sais que nous, on en a créé un il n'y a pas très longtemps, et il demande, en fait, quand on crée, de cocher une case, est-ce que vous. Enfin, de remplir un. Plutôt de remplir un item qui dit, ce serait la description de votre carnet pour qu'il puisse être indexé au catalogue d'hypothèses. Mais en fait, il faut quand même après le réécrire. Oui. Il faut quand même en faire la demande. Oui. Oui. Je pourrais te passer le contact. Ouais, et je l'ai pas mis là, mais je l'avais mis dans mes notes. Ouais. Il y a un mail. Et à faire la chiffre, il est. D'accord. Oui. Déjà. Donc on voit bien que si l'intention première d'hypothèse était de créer des carnets de chercheurs de terrain, ben, la typologie que l'on voit ici s'afficher illustre largement une grande diversité de prises en main aujourd'hui, et que la demande a largement débordé les intentions premières, et voilà, ils en sont ravis quoi, au Cléo de toute cette évolution-là. Alors cette plateforme aujourd'hui, ben, elle répond pleinement aux exigences de l'écriture scientifique par la citabilité des billets. Donc chaque URL de billet est chiffrée et stable. Donc ils insistent bien sur l'idée qu'il ne faut pas trop créer de pages, mais surtout écrire des billets parce que vous avez des URL chiffrées. Tous les billets sont évidemment compatibles avec Zotero, vous pouvez en récupérer les métadonnées. Et il y a des statistiques qui sont disponibles. Alors ça, c'est toujours, je trouve, intéressant. Pas si c'est bien lisible, mais en tout cas il y a l'URL, vous pouvez vous y référer. C'est qu'en fait il y a donc une URL où il y a le positionnement de toutes les revues et de toutes les carnets et les uns par rapport aux autres. Donc ça c'est assez chouette de voir que c'est la deuxième plateforme consultée, loin devant Calenda et Open Edition Book. Revue.org est la première plateforme consultée avec 2,5 millions de visiteurs différents par mois. Et sur hypothèse, il y a 720 000 visiteurs par mois. Donc, c'est pas rien. Et donc, de regarder de temps en temps cette page de statistiques, et ben ça permet de voir où est-ce qu'on est par rapport aux autres. Est-ce qu'on est loin dans la liste de tous les carnets, ou est-ce que finalement, on tient son rang dans le temps ? Même si on n'a pas besoin d'être rivé à ça, de temps en temps, c'est intéressant d'aller regarder. Non, enfin, la dernière chose que je voulais montrer, c'est justement que cette plateforme était extrêmement stable et assurait une sécurité, mais la contrepartie, c'est que justement par rapport au logiciel qu'il y a, WordPress, eh bien, on n'a pas la liberté d'installer tous les plugins qu'on voudrait pour customiser son propre outil. On s'inscrit dans un cadre qui nous est offert par la liste des carnetiers, on va le voir au sein de la communauté. On peut proposer des modifications qui sont souvent prises en compte, mais on est quand même bridé. On évolue dans un logiciel qui est pour être stable et fermé. Donc, ensuite. Participer à Hypothèse, c'est s'inscrire dans une communauté. Cette communauté, quand on est carnetier récent, on a quelques mails qui arrivent dans sa boîte, et c'est hyper fondamental de les conserver comme une base de connaissances dans laquelle on va pouvoir, à laquelle on va pouvoir se référer. Mais si on vient d'arriver dans cet univers-là, on n'a pas beaucoup d'échanges, on n'a pas à capitaliser beaucoup de connaissances. Et si vous contactez une des personnes qui anime Hypothèse, vous pourrez voir qu'à la fin de son mail, il y a un lien qui vous dit « consultez les archives de ce groupe ». Donc, ce n'est pas du tout sympathique. Ça s'appelle sympa, mais c'est horrible à consulter. Mais n'empêche qu'on ne peut pas tout le temps poser les mêmes questions et qu'il faut se référer à ce qui a déjà été capitalisé pour poser ces questions. Et l'archive de cette, qui date depuis 2009, parce que ça s'est mis en place en 2008, 2008-2009, là, c'est vraiment là que les échanges ont été féconds. Donc, alors, s'il existe la maison des carnets, donc c'est le propre carnet de la plateforme dans lequel il va y avoir des billets explicatifs sur les thèmes, ils sont souvent périmés, il y a des fois des choses... Donc, il faut comparer entre ce qui existe comme billet structuré qui va pouvoir vous guider dans votre propre écriture et aussi les carnetiers qui sont parfois plus à jour et avec plus de conseils pratiques. Et puis, il y a les formations gratuites tout au long de l'année. Donc, pour résumer, on voit qu'Hypothèse offre un support technique, garantit la pérennité des données, propose un accompagnement éditorial et du coup, assure en plus un fort référencement et c'est gratuit. Donc, vous imaginez que les usages ont suivi, quoi. C'est quand même... on rentre dans la maison, tout est propre, tout est nickel, on n'a qu'à faire, quoi. Alors, je vais prendre un petit peu la parole, moi aussi. Alors, effectivement, la question qui va vous intéresser, vous, c'est en quoi Hypothèse, en tant que thésard, va m'être utile et, ou va être valorisant pour moi. Donc, en fait, vous allez déjà pouvoir avoir, tout bêtement, si vous êtes à la recherche de conseils pratiques, d'autres expériences de thésard, si vous êtes à la recherche de méthodes, si vous vous posez des questions très pratiques, vous allez pouvoir trouver des réponses sur les carnets. Donc là, on vous en a donné trois exemples. Il y a les liens, vous pourrez aller les regarder tranquillement chez vous. Vous pouvez aussi, l'hypothèse peut être utile pour vous pour valoriser aussi vos premiers résultats, effectivement. C'est pas forcément facile d'être publié dans des revues. Par contre, pour faire connaître ces travaux, vous allez pouvoir vous faire connaître via un carnet. Vous allez aussi vous inscrire dans une dynamique de laboratoire. Si votre laboratoire tient un carnet, pourquoi ne pas écrire un article de temps en temps ? En parenthèse, on a toutes les deux un carnet. par contre, attention, c'est un fort investissement. Ça demande du temps, ça demande... Voilà, ça demande un investissement intellectuel et temporel. Et aussi, vous allez, en tenant un carnet hypothèse, participer à ce qu'on appelle la grande conversation. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire dans un réseau, le réseau des carnetiers, qu'on a vu juste avant. Vous allez vous faire connaître des autres doctorants en architecture qui peuvent travailler sur le même sujet que vous, vous contacter, ça peut vous permettre de former un réseau, d'avoir des contacts. Et en plus, vous avez aussi une très forte visibilité des billets, puisque les billets sont répertoriés via leur l'ISSN qui est attribué. Ils sont répertoriés par la BNF. Ils apparaissent dans les... Je crois qu'on a une... Oui, voilà. Donc ils apparaissent sur Isidore, ils apparaissent sur la BNF, et ils apparaissent aussi sur le catalogue WorldCat, qui est le catalogue international de toutes les bibliothèques du monde. Donc ici, vous voyez la notice. Enfin, vous voyez. on vous passera le PDF de la présentation. Donc ici, c'est la note du carnet de cratères que WorldCat a récupéré sur le site dans le catalogue de la BNF. Alors du coup, on s'est amusé à rechercher justement comment l'architecture s'est saisie de cette plateforme, elle est présente où et par quel type de carnet. Donc comme le schéma était tout petit et lisible, on va passer Donc merci Léa de nous avoir dit ça. Et donc je voulais passer sur, voilà. Est-ce que ça c'est un peu mieux? Mais en fait non, mais ça devrait. C'est à cause de cet écran. Donc je ne sais pas ce que vous allez pouvoir voir, je vais vous le commenter. On peut... Ouais, c'est pas terrible. Bon. Je vais peut-être... Ça marche pas. Ouais. Ouais, mais c'est pas tellement... Alors bon, ben, donc on va faire comme on peut. C'est pas juste que j'aime tout. Bah, si on se met là, mais c'est pas mieux. Bon, alors je vais vous raconter. Donc du coup, en prenant les 42 carnets qui sont inscrits dans le champ, non, au catalogue, et inscrits dans le champ architecture, donc on s'est rendu compte, bon, évidemment que l'ENSAG était hyper présente, mais ça on verra dans la diapo suivante, qu'il y avait d'autres écoles d'architecture quand même qui avaient leur place sur hypothèse. Donc il y a l'école de Belleville, de la Villette et de Lille. Que ce qui est sûr, c'est que si vous voulez sur les le nombre de carnets, enfin là où il y a le plus grand nombre de carnets, c'est sur les carnets collectifs, parce que on voit bien que l'aventure collective fait tenir le carnet plus longtemps, quoi. Donc il y a 9 carnets de structure de recherche. Donc évidemment il y a le MHA. Donc les petites étoiles vertes, c'était en fait les écoles d'architecture, et les petits drapeaux rouges, c'était les carnets portés par des équipes étrangères. Donc il y a le MHA ici qui a son carnet, la AECC, il y a le blog de l'UMR Auxerre, il y a le Cresson Veille Recherche qui est devenu plus un carnet d'équipe. Et donc ensuite, on a 10 carnets de programmes de recherche, puisque au sein de la plateforme, les ANR et tous les programmes de recherche donnent lieu à énormément d'ouvertures de carnets. Un carnet qui va à un moment donné s'arrêter aussi, mais cet archivage est aussi important. À un moment donné, il y a une page qui dit que ce carnet, ben voilà, il s'arrête parce que le programme de recherche s'arrête, mais n'empêche que tout son contenu est conservé. Et puis, il y a des carnets de thésards. Il y en a quand même 4 qui ont eu le courage de commencer leur carnet. Après, ben, j'ai mis les dates de dernier billet parce que ça veut dire aussi que c'est pas facile de tenir un carnet tout seul. Mais il y en avait un, par exemple, sur le design des spatialités extraordinaires qui m'a beaucoup amusée. Donc, c'est quelqu'un qui a fait 2-3 billets, qui est pas arrivé, du coup, forcément à animer ce carnet pendant sa thèse, mais qui réfléchit quand on est confiné dans les sous-marins, quel est le design de cet espace sous-marin. Et du coup, son carnet, même s'il n'y a pas beaucoup de billets, il est vraiment très drôle. Et puis, quand même, il y a ce carnet extraordinaire et qui est le carnet d'un collectif de doctorants. Moi, je ne suis pas sûre qu'il y en ait tellement d'autres sur hypothèse. Il y a des carnets d'archives, de bibliothèques, de librairies, un peu, hein, comme Cratère. Il y a des DRAC qui ouvrent leur propre carnet, des lieux d'inventaire de patrimoine. Donc, une des thématiques très fortes, j'ai trouvé sur l'architecture, c'était justement tous les carnets autour du patrimoine et de l'Antiquité. Peut-être des thématiques qui portent plus à l'écriture. Et donc, voilà. Bon, on va revenir donc, ça, c'était l'idée d'avoir cette espèce de vision un peu globale à travers ce schéma de l'architecture dans l'hypothèse. Et l'ENSAG, il faut quand même vous dire qu'on a compté avec Muriel et que donc c'est un quart de l'architecture sur hypothèse se passe ici, puisqu'il y a plus de 10 carnets sur les 42 qui sont ouverts ici. Donc il y a un effet d'entraînement évident, quoi. Parce qu'il y en a un à Belleville, un deuxième, mais qui peine un peu. Ici, c'est la folie, quoi. Donc voilà, et ça, c'est ce qui est au catalogue, puisqu'il y en a plein qui n'y sont pas. Par exemple, Anthony Péqueux, directeur du Cresson, il a un carnet à paraître, mais il n'a pas dû le mettre, tout ça, donc il n'y est pas. Léa, tu disais qu'il y en avait un qui était en cours et qui n'y est pas encore. Enfin bon, donc voilà, donc c'est la grosse présence de l'ENSA. Voilà, pour ensuite vous ouvrir à quelque chose de plus technique, sur les conseils d'écriture ou Muriel Excel. Ouf. Je m'avancerai peut-être pas autant, mais... Ah oui, moi, je vais aborder le côté un peu plus pratique, technique. Donc, en fait, écrire sur le web, c'est pas comme écrire une lettre ou écrire une thèse. Voilà, écrire sur le web, il y a des règles à respecter. On ne lit pas de la même manière sur un écran et sur du papier. Donc, il y a des règles à respecter pour être clair et surtout pour être bien référencé. Alors, la première chose à faire, c'est penser à votre menu. Le menu, c'est vraiment ce qui va être comme le sommaire d'un livre. Donc, il faut vraiment bien, et là j'insiste, bien y réfléchir avant de créer le carnet. Si vous voulez avoir un exemple de carnet où le sommaire n'a pas été bien pensé avant, et là je vais taper sur ma propre unité, c'est le carnet de la chaire UNESCO, qui ne fonctionne absolument pas parce qu'il a été mal réfléchi avant, en ne pensant pas du tout à l'utilisateur. Je vous laisserai aller voir. Alors, en fait, il va falloir penser à pas mal de choses. De plus en plus de gens, déjà, lisent sur un écran, certes, mais pas forcément un écran d'ordinateur. De plus en plus de gens abordent le web sur un écran grand comme ça. Un écran de portable. Un écran de téléphone portable. Donc, il va falloir penser à la taille des images, par exemple, que vous mettez sur Internet. Si vous mettez des images de 2 ou 3 mégas, je vous laisse imaginer le temps que ça peut mettre à charger sur un portable. Pensez aussi pour votre menu à bien hiérarchiser l'information. Vraiment à penser à vos catégories et à penser à vos catégories surtout en vous demandant comment l'usager va venir chercher dans mon carnet. Parce qu'on a tous dans nos laboratoires des idées, des manières de parler, des manières de ranger les choses. Il faut réussir à sortir de ces schémas pour se mettre à la place de l'usager. Qu'est-ce que l'usager va venir chercher sur mon carnet et comment est-ce qu'il va accéder à l'information? Comment est-ce qu'il va aller la chercher? Alors attention, si votre menu n'est pas bien pensé, si on s'y perd, les usagers ne reviendront pas. Alors, bon, il y a quelques petites règles. Il faut éviter, par exemple, les successions de clics. Là, je vous ai mis un carnet, par contre, qui est très bien pensé. Ah, je suis gentille, hein. Donc, effectivement, en général, on parle des 3 clics. C'est-à-dire que pour accéder à une information en ergonomie web, il faut 3 clics maximum entre la page d'accueil et l'information. Ici, on sait, c'est parfait. Faut éviter de multiplier les rubriques. Donc, les rubriques ici, ça serait par exemple accueil, méthodoc, recherche, thème, etc. En général, on parle de 7 maximum. Après, le regard humain a du mal à les voir. C'est bête et idiot. Et pareil, les sous-rubriques, il faut vraiment ne pas les multiplier. Le contre-exemple, la chaire UNESCO. Alors, il y a certaines pratiques d'écriture qui sont conseillées. Donc, comme je vous le disais, pensez à votre lecteur. Pensez à aérer votre texte, à sauter des lignes. Pensez aussi à utiliser une accroche dans votre, parce que sur votre page d'accueil, n'affichez pas l'article en entier. Mettez les 4 premières lignes qui doivent être une accroche, une pub en fait, pour votre article qui donne envie, avec cette fameuse balise mort, d'aller cliquer sur « Je veux en savoir plus ». Pensez aussi à utiliser, donc à créer des paragraphes. Et utiliser des styles. Donc vous avez dans WordPress des styles qui s'appellent titre 1, titre 2, titre 3, paragraphe. Pensez à les utiliser. Quand vous créez un titre, je ne sais pas, vous marquez introduction et vous mettez un paragraphe en dessous. Votre titre, introduction, mettez-le en titre 1. En style titre 1. Si vous ne le mettez pas en titre 1, il ne sera pas référencé par les moteurs de recherche. Si vous le mettez en titre 1, style titre 1, il va être référencé en priorité par les moteurs de recherche. C'est le titre 1, titre 2, c'est ce qui permet aux moteurs de recherche de distinguer rapidement ce qu'il y a dans votre site web. Et ça vous permet d'être beaucoup mieux référencé. Mettez par exemple aussi les citations en exergue. Tout ce qui n'est pas de vous, mettez-le d'une autre couleur, en retrait, en italique, comme vous voulez, mais indiquez-le bien visuellement. En fait, voilà, pensez à mettre un texte alternatif pour les images. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des règles d'accessibilité. Voilà, tous vos lecteurs ne sont pas forcément... vous pouvez avoir des malentendants, des malvoyants. Il faut penser à eux aussi. Et c'est tout bête de mettre un texte alternatif pour une image, simplement. Donc, je vais vous montrer quelques petits exemples après. Alors ici, par exemple, vous avez un exemple d'accroche avec les trois petits points qui vous invitent à aller voir ailleurs. Vous avez ici un exemple de page web très bien conçue. Normal, c'était mon directeur de recherche. donc vous avez un auteur qui est bien identifiable, avec un nom et un prénom. C'est important, parce que si vous signez d'un pseudonyme, qui saura que c'est vous qui avez écrit... comment est-ce que vous pourrez justifier que c'est bien vous qui avez écrit l'article ? Le style, le titre, est dans le style titre 1. Les titres secondaires en titre 2. Donc il y a une hiérarchie dans la construction de l'article. Vous voyez qu'il y a un fichier son. Ce fichier son, il est accompagné en dessous de la transcription en HTML. Donc ici, vous avez donc un accès son, par exemple, je ne sais pas, c'était peut-être l'enregistrement d'un cours ou d'une conférence. Mettre le fichier son. L'HTML, c'est le texte qui est en dessous. Hein, c'est le texte en dur. Ce texte rend le fichier son accessible aux malentendants. En plus, Google, si vous lui mettez juste un fichier son, il ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Il ne pourra jamais le référencer. Avec le texte en dessous, là, il sait que ça parle d'économie de la bibliothèque, il sait que ça parle de web. Économie des bibliothèques, on insiste. Économie de la bibliothèque, on insiste. Là, cet article-là est très bien référencé si jamais on tape dans un moteur de recherche économie de la bibliothèque, par exemple. Vous avez intérêt aussi à créer des liens hypertextes dans vos carnets, soit vers des articles, soit vers d'autres articles de votre carnet, soit vers des sites web, des textes extérieurs. C'est ce qui va vous permettre aussi d'être référencé, de vous inscrire en fait. Les moteurs de recherche aiment quand vous vous inscrivez dans un réseau. Les moteurs de recherche n'aiment pas les sites web isolés. Donc mettez des liens. Voilà, et puis créer sauter des lignes, créer des paragraphes pour pouvoir aérer la lecture et faire en sorte que votre lecteur s'y retrouve. Alors, il y a aussi quelques mauvaises pratiques. Donc voilà, évitez de republier le contenu intégral d'un billet, sauf accord explicite mentionné, parce que déjà vous n'avez pas le droit de citer l'article intégral de quelqu'un, c'est du plagiat. De plus, si vous avez plusieurs carnets, évitez de copier-coller le même article sur les différents carnets. C'est sanctionné par les moteurs de recherche qui vont vous déréférencer et vous faire passer à la 36e page des résultats. Évitez aussi, comme Françoise me le disait tout à l'heure, de créer des pages. Donc il y a aussi... pourquoi c'était... Bah, en fait, c'est parce que... sujet, c'était les pages, tu en as parlé. C'est l'URL. Pour l'URL, voilà. Les pages, évitez de les créer aussi, parce que les gens qui s'inscrivent à vos flux RSS... ne recevront pas les infos qui sont mises dedans. Les flux RSS ne prennent en compte que les articles des carnets, les mises à jour des articles. Alors, je reprends mon superbe carnet de la chaire UNESCO, Terre, encore en contre-exemple. C'est très intéressant ce qui est mis dedans, mais c'est très mal organisé. Les mots-clés, effectivement, doivent être pertinents. Pensez à mettre des mots-clés sur vos articles. Mais il ne faut pas faire ce qui est là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre de trop. Parce que là, c'est typiquement un carnet, enfin un article qui, si on fait une recherche par mots-clés sur ce carnet, va apparaître dans toutes les recherches. Une recherche, ça doit être discriminant. Donc, mettez aussi donc le nom et le prénom dans la signature du carnet, ça j'en ai parlé. Alors, pour enrichir votre billet... Hypothèse va vous offrir aussi quelques possibilités. Donc, vous pouvez intégrer des notes de bas de page. Vous pouvez intégrer un nuage de mots-clés. Donc, les notes de bas de page, vous les voyez là au milieu, enfin, vous les voyez. Donc le nuage de mots-clés est en bas à droite. vous aurez aussi, voilà, vous avez un moyen de naviguer entre les différents articles de votre carnet. Donc en haut à gauche, vous avez en dessous, vous avez trois images. C'est vous aimerez aussi et ça vous permet de naviguer entre les articles de votre carnet qui ont les mêmes mots-clés. Voilà, donc ça peut être intéressant. Vous avez aussi ben voilà, les réseaux sociaux. Chaque article vous permet de tweeter ou de renvoyer l'article, de publier l'article sur Facebook ou Google+, très facilement sur tous les réseaux sociaux. Le flux Twitter aussi, vous pouvez intégrer vos carnets à un flux Twitter, pardon. vous pouvez intégrer aussi sur vos carnets vos dernières publications sur HAL. Donc vous avez l'exemple en haut à droite. Voilà. Et donc après, je vous ai mis un lien vers l'accessibilité web, parce que je vous ai donné un petit aperçu très très rapide, mais voilà. Alors, les bonnes pratiques il y a des bonnes pratiques aussi, au niveau du texte, mais aussi au niveau du contenu multimédia. Donc pensez à utiliser des images Creative Commons, qui soient libres de droit, ou alors vos propres photos, mais pensez à mettre votre nom dessus. pensez aussi à légender vos images, à mettre un titre. Donc là, il y a un exemple qui est totalement illisible, mais il y a un exemple. Donc pensez à bien remplir les champs qui vous sont proposés. Ça prend 10 secondes et ça va vous permettre vraiment de gagner des places dans le référencement dans les moteurs de recherche. Et ça va vous permettre aussi de vous adresser à un public plus large. Donc, pensez à remplir le titre, à mettre un titre pertinent pour votre image. Pensez à renseigner l'auteur, la licence, si c'est une licence Creative Commons, s'il y a des droits, si... Voilà. Pensez à mettre un texte alternatif. Le texte alternatif est lu par les logiciels d'aide aux malvoyants. Donc, quelqu'un qui, par exemple, verra l'image de la montagne avec un cairn, le robot va lui lire « Image d'une montagne avec un cairn ». Voilà. Ou si j'ai écrit « Carte de vœux de l'unité AECC pour 2016 », le robot va lui lire « Carte de vœux de l'unité AECC pour 2016 ». Voilà. donc, pensez à l'accessibilité de tout le monde. Alors, il existe un lecteur exportable. Ça, tu connais mieux que moi les sons. Et comment dire ? Non. Si, tout à fait. C'est-à-dire que si vous... Dans la pratique avancée d'écriture, vous pouvez écrire et puis après insérer des fichiers sons. Ben, ça, vous le faites pour les journées justement doctorales. Du coup, on voit bien que le fichier son seul, ça ne marche pas. Bon, ben là, c'est intéressant de le comprendre. Et puis, donc, on peut insérer des fichiers sons, des... Qu'est-ce que j'ai touché ? Des disques, des sécurités, des saturés. Ok. Pas grave. On peut insérer des fichiers son, mais pour que le lecteur exportable, c'est-à-dire que pour qu'on puisse appuyer sur play et puis sur pause, etc., il faut qu'en fait votre son soit déjà mis sur une autre plateforme. Et à Open Edition, ils invitent beaucoup à ce qu'on utilise archive.org pour qu'en fait, en gros, donc si nos sons, parce que nous, par exemple, pour les sons, donc on les a sur nos serveurs, etc., puis ensuite, si on veut les mettre dans un billet, eh bien, on va les mettre, par exemple, sur archive.org, où on a un compte du Cresson, ou sur SoundCloud, on en a aussi. Et après, à ce moment-là, on peut récupérer un petit code qu'on met dans la partie texte de l'écriture du billet, puisque la partie texte s'affiche, et puis on voit aussi derrière le code, on le met dans la partie du code, et à ce moment-là, l'utilisateur va pouvoir, voilà, pouvoir consulter le son... le jouer et puis arrêter. Donc ce qui est, donc après il faut pas non, donc ça c'est effectivement la pratique pour tout ce qui est vidéo et son, on peut pas les mettre sur les serveurs de la plateforme. Par contre les images on peut en uploader sur hypothèse, mais il y a quand même un poids limité quoi, c'est-à-dire qu'il faut pas que l'image soit trop lourde, mais en fait en même temps voilà, par rapport à ce que tu disais, il faut pas que ça soit trop lourde de toutes les façons pour que ça soit pas inaccessible sur les autres supports de lecture quoi, sur les téléphones. Archive.org, c'est un alors, stockage de autres. Alors, c'est des archives ouvertes. Ah non, Archive.org, c'est une initiative américaine, quoi. Comme une espèce de. C'est un énorme site web qui avait la volonté, en fait, d'archiver le web lui-même. Et qui propose aujourd'hui un lieu d'archivage monstrueux de tout, d'images, de sons. Donc on peut ouvrir un compte là et mettre les sons dont on a besoin pour après les afficher dans les publications. Mais ça correspond, ça ressemble à un drive ou un cloud ou c'est quelque chose de différent? C'est-à-dire oui, mais c'est une institution américaine qui porte ça. D'accord. Et c'est plus ancien que le cloud. Donc il y a un compte avec sur lequel on a un espace personnel qu'on peut partager. Voilà. Donc c'est antérieur en fait, par exemple à SoundCloud pour Vimeo. Et c'est une initiative en fait d'université, c'est une fondation parce qu'il doit y avoir un multiple financement, etc. autour d'Archive.org. Mais comme ça a un côté un petit peu institutionnel, universitaire et fondation, c'est un peu public on va dire, par rapport à des initiatives privées qui peuvent être moins pérennes. Donc c'est plus conseillé on va dire. Alors effectivement, vous pouvez aussi enrichir votre contenu d'articles avec des petits widgets que Hypothèse propose. Vous avez le blog citation qui permet d'indiquer à votre usager de quelle manière citer correctement votre article avec le bon auteur, la bonne date et le bon titre. Donc ça, c'est un petit widget à mettre en place, très simple d'utilisation. Vous pouvez mettre en place un flux RSS du compte, donc dans lequel vous pouvez faire apparaître tous par exemple ici les tweets donc du Cresson. Et vous pouvez aussi valoriser votre collection HAL en faisant apparaître des CV. Et vous avez aussi un widget qui permet de faire apparaître, comme on l'a vu tout à l'heure, toutes les dernières publications HAL de votre collection, si vous avez une collection, ou vos publications, si vous avez... Donc, le plugin CV, je pense que toi, tu peux en parler mieux que moi, parce que toi, tu l'as testé. Donc, c'est... Parce qu'on voit bien qu'il y a des liens entre les gens qui développent HAL et les gens qui développent Open Edition. Ces gens, ils sont ensemble à la même table, ils discutent quoi. Donc quand HAL développe le CV HAL, les gars qui bossent sur la plateforme Hypothèse, ils essaient de voir comment. Et donc les gars de HAL essaient de développer des outils pour que ça marche. Alors il faut dire que ça marche toujours moyen. HAL, c'est toujours un peu moyen, mais bon. On va dire qu'il y a un petit crochet là qui s'appelle CV HAL. Et en gros, si on a des pages perso, par exemple, dans un blog, pardon, imaginez, vous commencez à archiver vos publications. Charline, on doit se voir pour ça. Donc, tu vas mettre en page. Et puis, tu as ta page sur Affaires à suivre. Et tu te dis, mais quand même, à l'endroit où je dis qui je suis, tout ça, mon affiliation, je vais incruster dans ma page de présentation mes publications. Déjà, des cours généraux, je suis trop forte, je vais montrer aux autres que je fais mieux. Et du coup, c'est possible avec ce petit plugin CVAL, moyennant bidouillé, etc. On arrive plus ou moins, enfin le gars était à côté de moi en mars quand même, il n'y arrivait pas, hein. Mais bon, c'est pas grave, je lui dis voilà, le blog du labo c'est ça, vous allez essayer de m'aider et que ça s'affiche. oui, bah, c'est pas tout à fait ça encore. Bon, enfin bref, au final, il est arrivé à afficher les trucs d'Anthony. J'ai juste fait pour lui, pour tester, quoi. Donc, mais ça marche. Donc, à un moment donné, ça marche. Et donc, il y a, du coup, les publications de Hal qui s'incrustent dans les pages de... Bon, ça, tous les informaticiens savent faire ça, mais bon, moi non, et lui non plus, visiblement. Donc, voilà. Et on peut afficher, par exemple, pour le MHA, qui a une super collection Hal, elle peut afficher sa collection Hal dans son blog. Et du coup, ça permet de rayonner un petit peu, comme ça, de faire des liens entre les... Bon, après, les gens, ça les balade beaucoup. Hein. Quand ils lisent un truc, il ne faut pas non plus trop les divertir. Mais voilà, ça permet de faire des liens. Comme tu disais, tous ces liens, toi, que je ne savais pas, toutes ces façons de lier les ressources entre elles. Quoi. Et on arrête de vous embêter. Enfin, vous pouvez parler de vos pratiques, vous êtes pratiquant. Il arrive que la BU droit et lettres offre des formations d'hypothèse. Je pense que c'est la même personne que vous avez vu à l'hypothèse. En tout cas, c'est, voilà. Je vous conseille de les guetter. C'est vraiment des formations d'extrême qualité et qui donnent envie de construire des carnets de recherche hypothèse. Et donc, c'est des personnes qui sont très très demandées à l'échelle nationale, qui ne sont pas toujours disponibles. Donc, si vous voyez passer soit une demande qui est une activité de carnet de recherche en parallèle, ça vaut le coup de se jeter dessus. Et je pense rien que le fait qu'on tienne à plusieurs le carnet de recherche de la Terre à suivre peut vous ouvrir une place à ces formations-là. Et elles sont très bonne qualité. Et je vous invite à les suivre. C'est sûr. Si vous voyez annonce Pierre Mounier vient à Grenoble. Il faut y aller, quoi, parce que rien que de voir le gars qui a mis en place ça, c'est un vrai auditeur. C'est un gars qui parle magnifiquement bien. Et sur ce que ça offre comme possibilité, sur ce que ça crée comme type de connaissance, comme type de pratique, comme d'un point de vue matériel, d'organisation, vraiment, c'était une très belle formation. Alors, je pense que moi, j'ai dû aller à ces formations-là, parce que j'ai vraiment eu envie de créer un carnet d'hypothèses, sauf que, bah voilà, pour faire part de mon expérience, j'ai pas réussi à m'en venir. Vraiment, ça demande un boulot monstrueux et en fait une assiduité qui. Voilà, je me suis investie dans l'affaire à suivre, voilà. Et à un moment donné, il fallait faire un choix. Et du coup, je sais pas trop quel statut je vais donner à ce carnet d'hypothèses, mais c'est vrai que ça permet aussi de réfléchir à, ben voilà.